Je crois que les événements à l'extérieur ont exercé quelque influence. Je pense à ce qu'on appelait le vent de l'Est, parce que vous savez que le monde est devenu un village planétaire, comme on dit, et tout ce qui se passe ailleurs est perçu dans tous les coins du monde, et cela exerce certains effets. Il y a également les pressions venant de certaines organisations internationales, Fonds monétaire international, la Banque mondiale, de certains gouvernements, dont peut-être la France. Et ces éléments conjugués, intérieurs et extérieurs, avec bien sûr le primat pour l'intérieur, ont conduit au changement qui s'amorce en Côte d'Ivoire. Au lendemain même de l'intervention du président Houphouët, c'est le journaliste Sirado Diallo, directeur de l'hebdomadaire Jeune Afrique, qui livre, toujours à RFI, son expertise à chaud.